Je pensais que nous ne manquions de rien. Mais derrière cette obscurité, ce sombre tout relatif, il y avait tant de plaintifs, tant de turbulences, tant de singularités, qu'il a bien fallu aller voir ce qui s'y passait. N'est pas un luxe qui soit, rien n'est de trop, tout est en place. Nos regards se concentrent sur quoi? Sur cette lumière qui passe. Un souffle coupé par la peur, puis tout se calme et se rassure. Le photon se repose, le photon se repose, le photon se repose dans son azur. Un couloir, je touche les murs, j'ouvre cet œil. Tout me conduit vers ce savoir. Est-ce une sirène qui m'attire vers un écueil? Quel prisme permet d'analyser tout ça? Quelle chambre noire où je peux réfléchir quand tout me rappelle à ce petit lieu? Chair d'une chair qui est tout mon désir. Ce n'est pas un luxe qui soit, rien n'est de trop, tout est en place. Nos regards se concentrent sur quoi? Sur cette lumière qui passe. Un souffle coupé par la peur, puis tout se calme et se rassure. Le photon se repose, le photon se repose, le photon se repose dans son azur. Je passe mon temps à loucher sur mes deux centres de gravité. Pas trop sérieux sur tout d'amour. Tout ce que je suis est bien fait pour. Sa tête dans mes yeux, tient son regard, et sans savoir qui il peut être, je sais au moins que ce n'est pas un hasard. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dans son azur.